Seigneur, dans le monde je vous envoie annoncer le bonheur, qu'on raconte la grande joie. N'ayez aucune peur, ni de honte si l'on vous voit. Proclamez de tout cœur qu'on raconte Jésus est roi. Portez ma parole, soyez mes disciples. Toutes mes paraboles vous seront utiles. Donnez ma parole, faites des disciples. Soyez à mon école, mes enfants habiles. Disciples du Seigneur, dans le monde je vous envoie annoncer le bonheur, qu'on raconte la grande joie. N'ayez aucune peur, ni de honte si l'on vous voit. Proclamez de tout cœur qu'on raconte Jésus est roi. Au nom de mon Père, donnez le baptême et par toute la terre, criez qu'il vous aime. Partout soyez frères, par l'Esprit qui s'aime. Il y a tant à faire, c'est moi qui vous mène. Disciples du Seigneur, dans le monde je vous envoie annoncer le bonheur, qu'on raconte la grande joie. N'ayez aucune peur, ni de honte si l'on vous. Au ciel et sur terre, son amour rayonne.